Radiomatique. C'est sur la musique du projet Autoclave 1.1 que s'ouvrait la transmission 459 d'Audiomatique de son 11e album Makeshift Splint, paru en 2018. Nous écoutions la pièce Rhetoric. Et maintenant, c'est au tour du groupe Lumin d'assurer la continuité à Audiomatique. Thank you. remind you, the vicinity is renowned for its venomous snakes and poisonous ants of various species. Thank you. were therefore forbidden any tomboy foolishness in the matter of exploration. Behold the God of Israel. Audiomatic. C'était la formation Stella Mara, de qui on entendait la chanson Kereshme, extraite de son premier album Star of the Sea, paru en 1997. Précédemment à Stella Mara, c'était le projet américain Blink Twice, de son album The Holistic Approach. Lancé en 2000, nous avons entendu la pièce Memorable Field Trip. Et pour débuter ce long bloc musical, nous avions droit au groupe Lumin qui nous présentait sa composition Zamak, extraite de son deuxième album Adra, sorti en 2002. Le groupe The Shaman se fera maintenant entendre à Audiomatic. war einmal ein niedliches kleines Mädchen. Audiomatique, nous venons d'écouter le projet allemand Echo et sa pièce Route Caption apparaissant sur le premier disque intitulé Das Album, sorti en 1995. Avant Echo, c'était le projet Mental Cube mené par Brian Dawkins et Gary Gobain de la formation The Future Sound of London. Nous écoutions la pièce intitulée Chile of the Bass Generation, publié en 1990 sur le EP du même nom. La pièce est également disponible notamment sur la compilation Earthbeat, qui regroupe plusieurs projets des membres de Future Sound of London dans leur époque Techno House. Et en outre, et outre Mental Cube que nous avons entendu, on y trouve également des pièces de Yage, de Humanoid, de Hindu Tribe et de Smart Systems. Donc, bonne compilation pour les intéressés. Et on amorçait la séquence avec The Shaman et la pièce Libra Solidi Denari, parue sur l'album Bass Drum, sorti en 1992. Et nous allons conclure cette transmission d'Audiomatique sur la musique composée par le projet Biosphere de l'album Substrata. Nous allons écouter la pièce Chuck Ung. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatique. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatique-cfou. Si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Alors pour terminer, voici Biosphere et la pièce Chuck Ung. C'était Audiomatique avec les sonoristes. Thank you.